بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc ceci est la continuation de la traduction de la conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala, une conférence, comme nous avons dit, qui s'intitule Le fait d'émettre des doutes sur les savants et ses effets sur les fondements de la religion. Et cette traduction s'introduit dans la série que j'ai nommé la démonstration des ambiguïtés des gens, de l'ignorance et de la confusion. Suite au désordre scientifique et au désordre dans la prédication que nous voyons actuellement en France et ailleurs. Donc je reprends là où je m'étais arrêté. Donc Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidhahullah, il dit ensuite: فيجب توقير العلماء احترام العلماء. Il est une obligation de respecter les savants. والتلقي عنهم, et de prendre la science d'eux. تلقي العلم عنهم لأن هذا العلم أمانة. Donc nous devons prendre la science d'eux, car la science est un dépôt et une responsabilité. يجب على العالم أن يؤديها وأن ينشرها وأن يدرس هذا العلم ويبينه للناس. Donc il est une obligation pour le savant de transmettre cette science et de la propager et de l'enseigner et de l'expliquer aux gens. يحمله لمن بعده, il doit la transmettre à ceux qui viendront après lui. كما قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, porteront cette science de chaque génération les meilleurs d'entre eux. La budda lahu min hamala. Donc la science, il est indispensable qu'il y ait des personnes qui la portent. La budda lahu min hamala wa la budda min mahmoulin anhum. Donc la science est il est indispensable qu'elle ait des personnes qui la portent, et il est indispensable également qu'il y ait des personnes de qui on la transporte, de qui on l'apprend, et ce sont les savants. La yu'khadhu al-'ilmu min al-kutub. La science ne se prend pas des livres uniquement. Innama yu'khadhu al-'ilmu 'an ahli al-'ilm. La science, elle se prend des savants. Yaqulu ba'du as-salaf inna hadha al-'ilma din fanzuru 'an man ta'khudhuna dinakum. Certains parmi les salafs ont dit: cette science est une religion, Donc regardez bien de qui vous prenez votre religion. Ey man ta'khudhuna ilmakum, c'est-à-dire de qui vous prenez votre science. Et là je rajoute que nous voyons des personnes qui disent un tel est autodidacte, un tel a appris la science tout seul, en lisant dans les livres, en écoutant des cassettes. Et le Shir, Shir Saleh Al-Fawzan, a très bien expliqué dans ce passage que la science ne se prend pas des livres. La science ne se prend pas simplement des livres, mais elle se prend des gens de science. Et il va encore plus développer ce point-là. Donc Cheikh, il dit ensuite, wa mithlu an-nasab. Hadha al-ilm mithlu an-nasab. Cette science, elle est semblable à la généalogie. La budda an yakuna hadha lahu nasab. Hadha alladhi yadda'i al-ilm amman akhadahu. Donc, il est indispensable que cette personne, il ait une généalogie dans la science. Celui-là qui prétend avoir de la science, de qui il l'a prise? Mithlu ma taqul fulanun man abuh wa man jadduh. De la même façon que tu dis pour une personne, un tel, qui est son père, qui est son grand-père? تقول هذا من هو شيخه ممن تعلم ممن تلقى العلم. Et de la même façon pour celui-là qui prétend avoir de la science, nous disons qui est son shir, de qui a-t-il pris la science, chez qui a-t-il étudié. هكذا يكون العلم خلف بعد سلف. C'est ainsi que la science, les générations postérieures les prennent ou la prennent de ceux qui les ont précédés. وَيَجِبُ أَنْ يُحْتَرَمَ الْعُلَمَاءُ وَأَنْ يُعْرَفَ قَدْرُهُمْ وَأَنْ يُتَلَقَّ عَنْهُمُ الْعِلْمُ. Il est une obligation de respecter les savants et de reconnaître leur valeur et de prendre la science d'eux. قَالَ جَلَّ وَعَلَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah, honoré et exalté, dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ. Donc il est une obligation de revenir aux gens de science. التَعَلُّمْ فِي الْفَتْوَى فِي السُّؤَالِ فِي الْقَضَى وَفِي كُلِّ شُؤُونِ الْمُسْلِمِينَ هُمُ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ حَلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ وَهَذِهِ الْمَشَاكِلِ فَيُرْجِعُ إِلَيْهِمْ. Donc, nous devons apprendre auprès des gens de science, par la fatwa, par la question, par les jugements, et dans toutes les choses, dans toutes les affaires des musulmans, ce sont eux les savants qui détiennent la solution à tous ces problèmes. Et c'est pourquoi nous devons absolument revenir vers eux. فَإِذَا شَكَّكْنَا فِيهِمْ زَهَدْنَا النَّاسَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. Donc si jamais nous mettons des doutes, si jamais nous émettons des doutes sur les savants, eh bien nous ferons fuir les gens de l'apprentissage de la science. وَزَهَدْنَاهُمْ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ. Et nous les éloignerons des gens de science. وَحِينَ إِذٍ مَنِ الَّذِي يَتَوَلَّاهُمْ. Et à ce moment-là alors, qui va s'occuper d'eux? يَتَوَلَّاهُمْ أَهْلُ الضَّلَالِ. يَتَوَلَّاهُمْ أَهْلُ الضَّلَالِ. يُوَجِّهُونَهُمْ عَلَى رَغْبَتِهِمْ لِيَكُونُوا سِلَاحًا يَتْعَنُونَ بِهِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ. Donc si ce ne sont pas les savants qui s'occupent des gens, de régler les problèmes des gens, Cheikh il dit, qui c'est qui va s'occuper d'eux? Ce sont les gens de l'égarement. Ce sont les gens de l'égarement qui les emmèneront là où ils veulent, afin de faire d'eux des armes par lesquelles ils attaquent l'islam et les musulmans. فَأَهْلُ الْعِلْمِ اللَّهُ شَرَّفَهُمْ وَمَدَحَهُمْ. Les gens de science, Allah les a honorés et a fait leurs éloges. الرسول صلى الله عليه وسلم شرفهم ومدحهم. Également le prophète صلى الله عليه وسلم, il les a honorés et a fait leurs éloges. يأتي من يتنقصهم ويزهد فيهم ويصفهم بالأوصاف الذميمة هذا مخالف لله ولرسوله. Puis vous voyez des personnes qui viennent et qui diminuent de leur valeur, de la valeur des savants, et qui éloignent les gens d'eux et qui les qualifient par toute caractéristique méprisable. Et ceci est contraire à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait ça, il contredit Allah, il contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muhaddun lillahi wa li rasulih. Il s'oppose à Allah et à son messager. Ghashun lil muslimin. Et il trahit les musulmans. Fayajibu at-tanabbuhu li mithli hadhihi al-umur. Nous devons donc faire très attention à ce genre de choses. La naqulu innal alima la yukhti. Nous ne disons pas que le savant ne fait pas d'erreur. Hadha bashar yukhti'u wa yusib. Il n'est qu'un homme, certes. Il tombe dans l'erreur comme il tombe dans la vérité. ولكن إذا أخطأ فإنه ينبه ولا يؤخذ عن الخطأ ولا يؤخذ عنه الخطأ. Donc Cheikh il dit que certes nous ne disons pas que les savants, nous ne disons pas que le savant ne fait pas d'erreur. Il est un homme qui tombe dans l'erreur comme qui peut tomber dans l'erreur comme il peut tomber dans la vérité. Mais lorsqu'il se trompe, lorsqu'il tombe dans l'erreur, eh bien, on doit lui rappeler la vérité et on ne prend pas de lui son erreur. Innama yu'khadhu anhu as-sawab. On ne prend de lui que la vérité. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: lorsque le juge fait un effort dans le jugement et qu'il tombe dans le vrai, il a deux récompenses. Et lorsqu'il fait un effort dans le jugement et qu'il se trompe, il a une récompense. فلا يأثم في هذا. Donc il ne prend pas de péché dans cela. Yani juste pour expliquer ce hadith, yani je rajoute, le juge qui est voulu dans ce hadith, c'est toute personne de science qui a les capacités de faire l'ijtihad, de faire un effort de jugement. Et donc si jamais ce savant, il tombe, il fait son effort et qu'il tombe dans le vrai, il a deux récompenses. Une récompense pour son effort et une récompense pour être tombé dans la vérité. Et s'il se trompe, alors il n'a qu'une récompense, c'est-à-dire la récompense pour son ijtihad, pour son effort. Et par contre, il n'a pas la deuxième récompense qui est la récompense de celui qui a trouvé la vérité. Mais malgré ça, comme Cheikh il dit, il ne prend pas de péché. Le fait qu'il est tombé dans l'erreur, après avoir fait son ijtihad, son effort, il ne prend pas de péché. لأنه لم يتعمد يقول الشيخ يقول الشيخ لأنه لم يتعمد ويريد الحق لكنه لم يصادفه بعد الجهد والاجتهاد. Donc il ne prend pas de péché, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait il n'est pas tombé dans l'erreur volontairement. Lui, il recherche la vérité, mais il n'est pas tombé dessus. Et ceci, après avoir fait son effort, après avoir déployé tous ses efforts pour trouver la vérité, il est tombé dans l'erreur. Donc il ne prend pas de péché, pourquoi? Parce qu'il a tout fait pour trouver la vérité. Ensuite, Cheikh, il dit, « Minan nas man yatanaqqas qadr al-ulama » Il y a des gens qui diminue de la valeur des savants. Et il dit, ce sont des hommes et nous aussi nous sommes des hommes. Pourquoi vous allez poser des questions aux savants? Pourquoi vous prenez de leurs paroles? Et pourquoi vous ne posez pas de questions à nous? هم رجال ونحن رجال. Ce sont des hommes et nous aussi nous sommes des hommes. كذا يقولون الآن. C'est ainsi qu'ils disent aujourd'hui. كذا يقولون الآن بعض المتعالمين وبعض الجهال. C'est ainsi que certaines personnes qui se prennent pour des savants et certains ignorants, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. يقول هم رجال ونحن رجال. Il dit ce sont des hommes et nous aussi nous sommes des hommes. هذه الكلمة قالها الإمام أبو حنيفة رحمه الله في وقته. Cette parole, ce sont des hommes et nous aussi nous sommes des hommes. Cette parole, Abu Hanifa l'a dit à son époque, رحمه الله. والإمام أبو حنيفة أقدم الأئمة الأربعة. Et l'imam Abu Hanifa, c'est le plus ancien des quatre imams. كان في عصر التابعين. Il vivait à l'époque des tabi'in. أخذ عن التابعين فهو من القرون المفضلة. Donc il était à l'époque des tabi'in, la deuxième génération de musulmans, et il a pris la science de tabi'in. Donc il fait partie des meilleures époques. وَيُقَالُ إِنَّهُ أَخَذَ عَنِ الصَّحَابَ وَأَدْرَكَ الصَّحَابَ. Et il est même dit qu'il a pris la science de certains compagnons et qu'il a rencontré certains compagnons. فَهُوَ إِمَّا مِنْ أَتْبَعِ التَّابِعِينَ وَإِمَّا مِنَ التَّابِعِينَ أَنفُسِهِمْ. Donc il est soit il fait partie des أَتْبَعِ التَّابِعِينَ, la troisième génération, ou soit il fait partie des tabirin, la deuxième génération. لما قال رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن الصحابة أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. Donc il disait à Abu Hanifa, si le hadith ou si la parole nous provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous l'acceptons directement. Et si la parole nous parvient, et si la parole nous provient des compagnons radiallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également nous l'acceptons directement. Et si la parole nous provient des tabirines, alors les tabirines sont des hommes et nous aussi nous sommes des hommes. Hum zumala ou kulluhum. Hum zumala kulluhum ulama. Donc, yani Abu Hanifa et les tabi'in, ce sont des contemporains et ce sont tous des savants. Hum rijal, yani rijal ou ilm. Donc ce sont des hommes, c'est-à-dire des hommes de science tous. فهذه المقالة يقولها الجهال الآن والمتعالمون يفتون ويقولون إذا قيل لهم هذا خطأ هذا يخالف ما عليه العلماء هذا يخالف ما عليه علماء الأمة يقول هم رجال ونحن رجال. Cette parole donc de Abu Hanifa, ce sont des hommes et nous aussi nous sommes des hommes. Certains ignorants et certaines personnes qui se prennent pour des savants la disent. Ils font des fatwas. Et lorsque tu leur dis ceci est une erreur, ceci contredit ce sur quoi sont les savants de la communauté, il te répond quoi? Il te répond les savants sont des hommes et nous aussi nous sommes des hommes. Ya subhanallah, taqif nafsak. تقيس نفسك على أبي حنيفة وعلى التابعين وأتباع التابعين تقول هم رجال ونحن رجال أين الثرى من الثريا. Donc Cheikh il dit subhanallah, يعني tu te compares à Abu Hanifa et tu te compares aux tabi'in et aux atba' tabi'in, tu dis ce sont des hommes et nous aussi nous sommes des hommes. Puis le Cheikh a cité un proverbe arabe qui dit Aina thara min athuraya. La traduction littérale, où est le sol de la terre par rapport à l'étoile Thuraya. C'est un proverbe arabe qui est utilisé lorsqu'une personne veut comparer deux choses qui sont incomparables. Et donc Cheikh il a utilisé cette expression pour celui qui se compare à Abu Hanifa et au Tabi'in et au Atba' Tabi'in et qui dit que ce sont des hommes et nous aussi nous sommes des hommes. Ils font leur ijtihad et nous aussi on fait notre ijtihad, alors que lui c'est un ignorant. Et c'est quelqu'un qui se prend pour un savant alors qu'il n'en est pas un. Ensuite, Cheikh il dit فَيَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ نَفْسِهِ وَرَحِمَ اللَّهُ مْرَأً عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ. Il est donc une obligation pour l'homme de connaître sa vraie valeur, sa véritable valeur. qu'Allah fasse miséricorde à celui qui reconnaît sa véritable valeur. Il est une obligation de faire attention à ces choses. يجب احترام العلم احترام العلماء وعدم تنقصهم. Il est une obligation de respecter la science, de respecter les savants et de ne pas les dénigrer. ولو حصل من بعضهم خطأ, même si l'un d'entre eux commet une erreur. فالعصمة إنما هي لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. Car certes, l'infaillibilité, elle n'est qu'au livre d'Allah et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-ulama qad yukhti'un walakin sawabuhum aktharu min khatayahum. Quant aux savants, ils peuvent tomber dans l'erreur comme ils peuvent tomber dans la vérité, dans le vrai. Et les choses dans lesquelles ils tombent dans le vrai sont plus nombreuses que leurs erreurs. وَأَيْضًا هُمْ لَمْ يَتَعَمَّدُوا الْخَطَى. Et également, eux, ils n'ont pas fait l'erreur volontairement. Écoutez bien cela. Naam, ils n'ont pas fait l'erreur volontairement. Contrairement à des personnes, ça c'est quelque chose que je rajoute, contrairement à des personnes, tu lui prouves son erreur et il reconnaît son erreur. Mais malgré ça, il ne veut pas revenir dessus. Et il dit, pourquoi il ne veut pas revenir dessus? Parce que c'est une personne qu'il n'aime pas. Puisque c'est une personne qu'il n'aime pas. Qui lui a montré son erreur. Puis lorsque d'autres personnes, des personnes qu'il aime, lui montrent son erreur, il dit oui, c'est vrai, je reconnais que ceci est une erreur. Mais je ne reviens pas, pourquoi? Parce que c'est un tel qui me l'avait montré en premier. Subhanallah. Parce que un tel que tu n'aimes pas, il t'a montré ton erreur, donc tu ne veux pas revenir sur ton erreur. Et tu reconnais toi-même que c'est une erreur après. Avec tes amis, tu reconnais que c'est une erreur. Avec ton ennemi, tu ne veux pas l'admettre, mais devant tes amis, tu le reconnais. Donc si tu reconnais que tu es tombé dans l'erreur, reviens dessus et la question est terminée. Vas-tu persister dans l'erreur vas-tu persister dans l'erreur par haine envers un tel? Tu vas t'exposer à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas t'exposer au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est un tel qui t'a montré ton erreur. La hawla wa la quwwata illa billah. Ajib. C'est étonnant. Cette personne, il dit, si ce serait vous, en parlant à certaines personnes, si ce serait vous qui m'auriez montré mon erreur en premier, je serais revenu dessus. Wallahi ajib. Wallahi, c'est étonnant. Nas'alullah azza wa jalla an yahdih wa yahdi kull man akhta. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider et de guider toute personne qui s'est trompée et qui est tombée dans une erreur. Donc, Cheikh, il dit que les savants, ils ne sont pas tombés dans l'erreur volontairement. وَهُمْ مُؤَهَّلُونَ. Ensuite, il dit, Cheikh, وَهُمْ مُؤَهَّلُونَ. Il dit, Cheikh, et ils sont aptes à faire un effort d'interprétation, à faire un ijtihad. يُمْكِنْ يَقُلْ هَذَا الْجَاهِلْ يَقُلْ أَنَا مَا تَعَمَّدْتُ الْخَطَى. Ana ajtahid. Il se peut que l'ignorant là, dont on parle, ils disent, moi aussi, je n'ai pas fait l'erreur volontairement. Moi, j'ai fait un effort d'interprétation, j'ai fait un effort pour trouver la vérité. Naqul lesta min ahli l'ijtihad. Cheikh il dit, nous lui disons, tu ne fais pas partie des gens de l'ijtihad. Tu ne fais pas partie des gens qui sont aptes à faire un ijtihad, à faire un effort d'interprétation. Malak tajtahid. Lesta min ahli l'ijtihad. الاجتهاد له شروط ذكرها أهل العلم في أصول الفقه. Donc, ensuite Cheikh il dit, pourquoi tu fais un effort d'interprétation? Pourquoi tu fais un ijtihad? Tu ne fais pas partie des gens de l'ijtihad. L'ijtihad, il a des conditions que les savants ont citées dans les livres de Usul al-Fiqh, les livres du fondement, des fondements du fiqh. Anta lesta mu'ahhalan lil-ijtihad. Toi, tu n'es pas apte à faire un ijtihad. Anta hasbuk annaka ammi an tas'al ahla al-ilm wa la tajtahid. Donc toi, il te suffit, en tant que simple musulman, de questionner les gens de science et de ne pas faire d'ijtihad, de ne pas faire de toi-même un effort d'interprétation. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah honoré exalté dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. فيجب أن نتنبه لهذه الأمور وأن نخاف الله جل وعلا في ديننا وفي أمتنا وأن نأخذ العلم من مصادره ومن أهله المعروفين به. Ensuite Cheikh il dit, nous devons absolument faire très attention à ces choses-là, et nous devons craindre Allah dans notre religion, et nous devons craindre Allah dans notre communauté, et nous devons prendre la science à sa source et auprès des gens qui la détiennent, ceux qui sont connus pour la science, pour leur science. Ensuite, Cheikh il va donner un exemple maintenant. Et écoutez bien ce qui arrive. لما انعزل على وقت الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين انعزل بعض تلاميذه لما اختلفوا معه في بعض المسائل انعزلوا عنه وكونوا له حلقة مع بعضهم وانعزلوا عن إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله. À l'époque de l'Hassan al-Basri, qui était un tabi'in, un parmi les tabi'in, un des grands savants des tabi'in, à son époque, certains de ses élèves se sont séparés de lui. Ils se sont séparés de lui lorsqu'ils ont divergé avec lui dans certaines questions. Donc ils se sont séparés de lui et ils ont formé un cercle restreint sur eux-mêmes. Ils ont délaissé l'imam des tabi'in, Al-Hassan al-Basri. ماذا كانت مآلهم؟ Quelle a été leur finalité؟ صاروا خوارج. Ce sont devenus des خوارج, des خارجites. يقاتلون الصحابة ويكفرون الصحابة بسبب انعزالهم عن أهل العلم واقتصارهم على أخذ العلم عمن ليس من أهل العلم صاروا خوارج أهل ضلال. Donc ils sont devenus des khawarij qui ont combattu les compagnons et ont traité de mécréants les compagnons. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils se sont éloignés et ils se sont séparés des gens de science. Ils se sont suffi de prendre la science auprès de personnes qui ne font pas partie des gens de science. Et de là, ils sont devenus donc des khawarij et des gens de l'égarement. Amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biqatlihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les anéantir. وقال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui concerne les khawarij, si je les rencontre, je les exterminerai comme le peuple Ad. مع انهم يقرؤون القران ويحفظون الاحاديث ويصلون الليل ويصومون النهار. Malgré que quoi? Le prophète sallam il a dit cela en ce qui concerne les khawarij. Si je les rencontre, je les exterminerai tel que le peuple Rad, qui était le peuple du prophète Hud alayhi salam. Donc le prophète sallam il dit cela des khawarij, alors que comme lui-même nous en a informé, ce sont des gens qui lisent énormément le Coran et qui mémorisent. Cheikh il dit, et qui mémorisent des hadiths, et qui prient la nuit, ils font des prières de nuit, et ils jeûnent, ils font beaucoup de jours de jeûne. لكن لم يكونوا على جادة واضحة في العلم صاروا في هذه المنزلة. Mais du fait qu'ils n'étaient pas sur une voie claire dans la science, ils sont arrivés à ce degré d'égarement. وصاروا يقاتلون المسلمين ويكفرونهم. Et ils ont commencé à combattre les musulmans et à les traiter de mécréants. يكفرون المسلمين بسبب الانعزال. Ils ont traité les musulmans de mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés. لما انعزلوا عن أهل العلم. Lorsqu'ils se sont éloignés des gens de science. Là, je reviens sur le hadith. Une petite annotation de ma part. Je reviens sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce qui concerne les khawarij, si je les rencontre, je les exterminerai comme le peuple Ad. J'ai juste une question à poser. Ceci, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cet acte qu'il a voulu faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si jamais il aurait rencontré les khawarij, cet acte-là, est-ce que c'est de la dureté ou de la douceur? Je pense qu'il n'y a pas divergence entre nous sur le fait que c'est de la dureté. C'est même le plus haut degré de dureté vu que c'est l'extermination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je les rencontre, je les exterminerai, c'est-à-dire je les tuerai. Alors que quoi? Comme il nous dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des gens qui lisent énormément le Coran et qui font énormément de prières et qui font énormément de jours de jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant aux compagnons radiyallahu anhum, il dit, vous minimiserez votre lecture du Coran par rapport à leur lecture du Coran. Et on sait comment les compagnons radiallahu anhum étaient fervents dans l'adoration. Et il dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons, en les comparant aux khawarij, il dit, et vous minimiserez vos prières par rapport à leurs prières. Et vous minimiserez votre jeûne, vos jours de jeûne par rapport aux jours de jeûne qu'ils font. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que s'il les rencontrerait, il les exterminerait comme le peuple de Had. Donc quelle est la réponse à cela de la part de ceux qui qualifient les salafis et certains savants salafis, notamment Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qui les qualifie de dureté? Est-ce que ces gens-là oseront dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dur? Est-ce que ces gens-là oseront dire et oseront dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette dureté envers les gens de l'innovation, malgré qu'ils faisaient plus d'adoration que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certes, dans la da'wa, la base dans la da'wa, c'est la douceur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par quelque miséricorde de la part de ton Seigneur, de la part d'Allah, que tu as été doux envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Car si tu avais été rude, au cœur dur, il se serait certes enfui de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il nous encourage à la douceur. Donc ceci est la règle de base dans la da'wa. La base dans la da'wa, c'est la douceur. Mais lorsque la personne persiste dans la contradiction, alors il est légiféré d'utiliser avec lui la dureté, chacun selon son degré de contradiction et son degré d'égarement. Et la preuve de cela, c'est ce hadith et d'autres hadiths et d'autres versets également, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à utiliser la dureté envers ceux qui la méritent. Donc le fait de critiquer, les salafis, et notamment certains savants salafis, en disant que ces gens-là, ils sont durs, et bien qu'ils sachent qu'ils n'ont pas atteint dans la dureté, ne serait-ce un dixième de la dureté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons radiallahu anhum et des salafs envers les gens qui la méritent. Taïb, excusez-moi pour cette intervention, mais je pense que c'était un point à éclaircir. Et comme je vous ai dit, tous ces cours qui sont en train d'être faits entrent dans cette série que j'ai commencée il y a maintenant un peu plus d'une semaine, qui est la démonstration des ambiguïtés des gens de l'ignorance et de la confusion. Et donc, à chaque passage dans lequel je vois qu'il y a un intérêt à donner, à citer des exemples de notre vécu au quotidien, je le fais afin d'éclaircir et de démontrer les ambiguïtés que certaines personnes essayent de manière générale, et parmi les salafis de manière plus particulière. طيب. Ensuite, donc, Cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, après avoir donné cet exemple donc, des Khawarij, et ceux qui se sont écartés et éloignés de l'Hassan al-Basri, ce sont les Mu'tazila, qui, comme les Khawarij, ont comme principe dans leur idéologie le fait de se rebeller contre les gouverneurs musulmans qui commettent des péchés. Et de dire que le musulman qui commet des grands péchés ira éternellement en enfer. Si ce n'est que les Khawarij, eux, ils disent que le musulman qui commet un grand péché, on dit de lui que c'est un mécréant sur terre et qu'il est éternellement en enfer dans l'au-delà. Alors que les Mu'tazila, les Mu'tazilites, eux, ils disent, sur terre, on ne dit pas que c'est un mécréant, mais on ne dit pas non plus que c'est un musulman. On dit qu'il est dans une position intermédiaire entre l'islam et la mécréance. Mais dans l'au-delà, ils disent comme les Khawarij qu'il est en enfer éternellement. Donc après avoir cité l'exemple donc de ces Mu'tazila, Cheikh il dit وهذا هو النفس الواقع. Et ceci, c'est exactement ce qui se passe actuellement. من اعتزل عن أهل العلم وأخذه على عن غير أهل العلم حصل له من الخلل ما يحصل فمقل ومستكثر. Quiconque s'éloigne des gens de science, quiconque se détourne des gens de science et prend la science auprès de personnes qui ne sont pas des gens de science, eh bien, il va tomber dans des erreurs. Après, il y en a qui tombent dans beaucoup d'erreurs et d'autres qui tombent dans moins d'erreurs. Wa a'zamu min dhalik an yuhrama min al-'ilm as-sahih. Et pire que cela, le fait de tomber dans des erreurs, pire que cela, c'est qu'il va être privé de la science authentique. Yadhunnu annahu 'alim wa huwa laysa bi'alim. Il pense qu'il est savant, alors qu'en vérité ce n'est pas un savant, mais c'est un ignorant. Un ignorant qui est dans une double ignorance. Jahilun murakkab. Comme ils disent, comme les savants expliquent ce terme-là, el jahil el murakkab. L'ignorant d'une ignorance composée, c'est celui qui est ignorant et il est ignorant qu'il est ignorant. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une ignorance composée, parce qu'il a deux ignorances, une ignorance de la religion et une ignorance qu'il est ignorant de la religion, contrairement son contraire, c'est al-jahilul basit. Al-jahil al-basit, yani le simple ignorant, c'est celui qui est ignorant, mais il sait qu'il est ignorant. Taïb. Donc Cheikh il dit en ce qui concerne donc cet ignorant d'une ignorance composée, yuhramu min al-ilm as-sahih. Cette personne-là, il sera privé de la science authentique. Cheikh il dit الله جل وعلا قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, il ne fait pas partie de la piété que vous entriez dans les maisons par derrière. Mais la piété, c'est celui qui craint Allah et entrer dans les maisons par leurs portes. Là, je pense que vous devez vous dire, mais qu'est-ce que Shir veut dire par là? Pourquoi Shir cite ce verset à ce moment de la conférence? Eh bien, écoutez la suite et l'explication de Shir. Et écoutez bien. Shir, il dit, Al-ilm lahu abwab, lahu ahlun wa hamala. La science, elle a des portes et elle a des gens qui la portent, des gens qui la supportent et qui la détiennent. Ensuite, Cheikh, il recite le verset. Fa'tul buyuta min abwabiha. Donc il recite le verset. Entrez dans les maisons par leurs portes. Puis il explique Cheikh. La ta'ti min as-sutuh wa min a'la al-'ilm. Donc Cheikh, il t'explique, il te dit, n'entre pas dans la science par le plafond et par le haut de la science. إئت العلم من أبوابه من أصوله من صغار المسائل إلى كبارها مع العلماء. Donc Cheikh, il te dit, entre dans la science par sa porte, par ses bases, en commençant par les petites questions, puis tu évolues progressivement et tu rentres dans les grandes questions au fur et à mesure. Et bien sûr, tu entres dans la science par ses portes avec les savants. هذه أبواب العلم. Telles sont les portes de la science. إذا أخطأت هذا الباب فإنك تضل وتصاب والعياذ بالله بما أصيب به الخوارج. Si tu rates cette porte-là, eh bien certes, tu vas t'égarer et tu vas être touché, qu'Allah nous en préserve, tu vas être touché par ce par quoi ont été touchés les khawarij, les kharijites. Wala fi fikrik, ne serait-ce dans ta pensée. Wala lam tahmil as-silah, même si tu ne portes pas les âmes, les armes, yakun fikruka munharifan, ta pensée sera déviée, sera égarée. Wala tara li ahli al-ilm qadran, et tu ne verras pas la valeur des savants. Wa rubbama tatakallam fi haqqi al-ulama, et peut-être même que tu parleras dans le peut-être même que tu parleras sur l'honneur des savants. Wa rubbama la tatakallam wa la tahmil silahan, lakin yakun fi nafsik wa fi qalbik hadhihi al-fikra al-khabitha, hadhihi al-fikra al-khabitha. Et peut-être que tu ne parleras pas, et peut-être que tu ne porteras pas les armes, peut-être que tu ne prendras pas les armes, mais peut-être que dans ton cœur, dans ton âme, peut-être que cette idéologie méprisable se sera installée. فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك. لا بد من الارتباط بالعلماء. Donc le musulman doit absolument faire attention à cela. Et il est indispensable d'être en relation avec les savants. Imma fi dirasati ala al-ulama fi al-masajid, soit en étudiant avec les savants dans les mosquées. Wa imma fi dirasati fi duri al-ilm fi al-madaris fi al-ma'ahid fi al-kulliyat. Donc soit en étudiant avec les savants dans les mosquées, ou soit en étudiant avec eux dans les endroits de science tels que les écoles, les instituts, les facultés, etc. Wa amma annahu yan'azil wa yatlubu al-'ilma min ghayri ahlihi wa ya'ti min ghayri abwabihi فالعلماء يقولون من ضيع الأصول حرم الوصول. Quant au fait qu'il s'écarte et qu'il prenne la science chez d'autres personnes que les gens de science, qu'il entre dans la science, yani qu'il n'entre pas dans la science par ses portes, eh bien, les savants disent que celui qui a négligé les bases, celui qui a négligé les fondements, il sera privé de l'arrivée à son but. C'est-à-dire celui qui n'a pas commencé par les bases, qui n'a pas pris les fondements, il ne pourra pas arriver à un but. لم يصل أبدا يقول الشيخ. Il n'arrivera jamais. ولا يدري في أي واد يهلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc il n'arrivera jamais et il ne sait pas dans quelle vallée il va se perdre. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc Cheikh ensuite il dit الحاصل أننا نتنبه لهذا الخطر الداهم الذي يحتاج الآن كثيرا من شبابنا ومتعالمينا عفوا الذي يجتاح الآن كثيرا من شبابنا ومتعالمينا. Donc il dit Cheikh, en bref, nous devons prendre garde à ce danger par lequel sont touchés beaucoup de nos jeunes et de ceux qui se prennent pour des savants. فيجب أن نتنبه لذلك وأن نأخذ العلم من أهله ما داموا موجودين ومن مصادره. Donc il est une obligation que nous prenions garde à cela et que nous prenions la science de ces gens tant qu'ils sont présents, et en la prenant de ses sources. Walhamdulillah, fa inna bayna aydina kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, nous avons entre nos mains le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa man alladhi yubayyin kitab Allah wa sunnata rasulihi هم العلماء. Et qui donc éclaircit ou explique, qui donc explique le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les savants. ما هم نحن مبتدئون ونأخذ العلم من الكتاب والسنة بفهمنا لا نرجع إلى أهل العلم يشرحوننا ويبينون لنا معنى الآيات ومعنى الأحاديث. Donc Cheikh il dit ensuite, qui donc nous explique le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les savants. Ce n'est pas nous les débutants qui allons prendre la science dans le Coran et dans la Sunna avec notre propre compréhension. Non, nous revenons aux gens de science pour qu'il nous explique et qu'il nous démontre le sens des versets et le sens des hadiths. Il y a des règles dans les choses. مثلاً أنت إذا أصابك شيء من العاهات ومن الأمراض أليست تذهب إلى الأطباء المختصين ليعالجوك ليصفوا لك الدواء. Par exemple, toi, si tu es touché par quelques maux ou quelques maladies, ne vas-tu pas chez les médecins spécialisés pour qu'ils te soignent et qu'ils te prescrivent des médicaments? أو تذهب إلى المطببين المتطببين الذين ليس عندهم علم بالطب يشق بطنك أو صدرك ثم تموت ليس عندهم خبرة. Ou bien est-ce que tu vas voir les médecins charlatans qui n'ont aucune connaissance de la médecine? Tu vas les voir eux pour qu'ils ouvrent ton ventre ou ta poitrine, puis tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience dans cela. تذهب إلى الأطباء المختصين. Cheikh il dit, tu vas voir les médecins qui sont spécialisés. Tu ne vas pas voir les faux médecins charlatans. Ensuite, Cheikh il donne un autre exemple. Il dit, إذا أردت أن تشتري سلعة ما أنت تجهل البيع والشراء أليست تسأل التجار وأهل المهنة وأهل الخبرة. Lorsque toi tu veux acheter une certaine marchandise et que toi tu ignores l'achat et la vente, le commerce, ne vas-tu pas voir des commerçants, les gens du métier, les gens qui ont de l'expérience? إذا كان هذا في أمور الدنيا في أمور الأبدان فكيف بأمور الدين. S'il en est ainsi pour les questions du bas monde et pour les choses concernant ton corps, alors que dire des choses de la religion? ولهذا قالوا في الحكمة يفسد الدنيا أربعة. Cheikh il dit ensuite, c'est pour cela qu'ils ont dit qu'il y a une sagesse qui dit que le bas monde est corrompu par quatre personnes. نصف طبيب, un semi-médecin. ونصف نحوي, un semi-grammairien. ونصف فقيه, un semi-savant. Arba, 4. Nisf tabib, hada yukhrib al-abdan. Un semi-médecin, le semi-médecin, lui, quoi? Lui, il corrompt les corps. Wa nisf faqih, hada yukhrib al-buldan. Et le semi-savant, lui, il corrompt les pays. Bifatawah wa biahkamihi, par ses fatwas et par les avis religieux qu'il émet. Wa nisfu nahwi, hada yufsidu al-lisan, yufsidu al-lughat al-arab, liannahu la ya'rifuha. Et un semi-grammairien, le semi-grammairien, lui, il corrompt la langue. Il corrompt la langue arabe, car il ne la connaît pas, il ne la maîtrise pas. Wa nisfu faylasof, هذا يفسد العقائد. Et un semi-philosophe, lui, il corrompt les croyances. فالواجب أن نأخذ العلم عن أهله. Donc, l'obligation, notre devoir, est de prendre la science auprès des gens de science. ولن نأخذه على أهله إلا إذا احترمناهم وعرفنا قدرهم وعرفنا قدر أنفسنا. Et on ne pourra le prendre la science d'eux que lorsque nous les respecterons et que nous connaîtrons leur valeur et que nous connaîtrons notre valeur à nous également. وهذا العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه لا يؤتاه مستحيل ولا مستكبر. Et cette science, comme disait Ibn Abbas radiallahu anhum, ne peut l'obtenir quelqu'un qui a honte et quelqu'un qui est orgueilleux. الذي يستحي ويخجل ما يأخذ العلم عنهم. Celui qui a honte, il ne prend pas la science d'eux. El mustakbir ma yara al ulama shay'an wa la ya'khudh anhum. Et l'orgueilleux, pour lui les savants ne sont rien, donc il ne prend pas la science d'eux. La yanaluhu mustahin wa la mustakbir. Donc cette science, ni un quelqu'un qui a honte ni un orgueilleux ne peut l'obtenir. هكذا الطريق الصحيح. Donc c'est ainsi que le droit chemin. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc à la fin, Cheikh, il fait des invocations, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder à tous la réussite dans ce qu'il aime et agrée, et qu'Allah accorde la prière et la bénédiction, enfin la prière et le salut à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille et à tous ses compagnons. Et c'est ici que se termine la traduction de cette conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et vous avez bien vu tous les enseignements bénéfiques qu'il y a à en tirer, notamment le fait de faire attention de qui on prend notre science. Qu'il fasse partie des gens de science reconnus. Et de ne pas prendre la science des livres, de ne pas se prendre pour un autodidacte. Car comme le Cheikh a cité l'exemple, celui qui ne prend pas les fondements n'atteindra pas son but. Barakallahu fikum. Et inshallah ta'ala, toujours dans la suite de cette série concernant la démonstration des ambiguïtés des gens de l'ignorance et de la confusion, yani, prochainement, vous serez tenu au courant de la prochaine intervention, inshallah ta'ala, qui aura lieu d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines. Et sûrement avant cela, avant de passer à la prochaine partie dans cette série, je ferai une traduction également d'une conférence de Cheikh Rabi' Ibn Hadi Hafizahullah concernant l'obligation de suivre la sunna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.